Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Joie, bonheur, sourire, rire. Ah, quel plaisir, ces blagues antiques. C'est l'histoire d'un type qui a une très mauvaise haleine et qui veut se donner la mort. Alors il s'enveloppe la tête dans un linge et il ouvre grand la bouche. Le Philogélos, un recueil de blagues qui date du 3e, 4e siècle de notre ère, mais qui recueille toutes ces blagues bien plus anciennes. Tiens, l'intellectuel qui exerce la médecine, quelqu'un vient le voir et lui dit « Docteur, le matin, quand je me lève, pendant une demi-heure, je vois tout sombre. C'est après que j'y vois plus clair. » Le médecin lui dit « Bah, hey, t'as qu'à te réveiller une demi-heure plus tard. » Raillerie, ironie, satire, essentielle dans la démocratie athénienne. Au-delà du sourire, le rire est une arme politique. Jean-Noël Allard, bonjour. Bonjour. Au moment d'étudier le rire dans l'Antiquité grecque, de quels mots dispose-t-on? Pour le dire autrement, vous, chercheur, historien, à la lecture des textes, vous avez quel mot pour identifier le rire? Ah, c'est une question délicate parce que quand on étudie le rire, on peut chercher les mots qui relèvent du rire, donc le vocabulaire grec relatif au rire, notamment le mot « gélos », qui est le mot récurrent pour parler du rire, mais il y a aussi des mots spécifiques pour parler de la dérision, comme « katagélos », « skoptos », « moquer », etc. Mais cette manière de procéder ne suffit pas parce qu'en fait le rire, enfin la dérision elle-même, qui est le procédé par lequel on va chercher à faire rire, ne va pas forcément se matérialiser par la présence de mots liés au rire dans un texte donné. Donc il faut à la fois chercher les mots du rire dans les textes grecs qui peuvent nous donner une indication sur l'humour qui serait présent dans telle ou telle assertion, mais parallèlement, il faut parfois avoir une certaine familiarité avec les textes pour comprendre que certaines phrases, certaines allusions sont destinées à faire rire et parfois peut-être un peu projeter certaines choses sur les textes. La cité du rire, politique et dérision dans l'Athènes classique, c'est l'ouvrage que vous publiez, Jean-Noël Allard, aux belles lettres. C'est un ouvrage issu de votre thèse dirigée par Pauline Schmitt-Pantel. Que je salue. Mais oui, parce que cette thèse est une thèse où nous retrouvons bien sûr beaucoup de gens de l'Antiquité, mais pas que. Étonnamment, il y a Flaubert, il y a Brecht, il y a Zinedine Zidane. Il y a un fil à tirer. Y a-t-il une spécificité de l'humour grec dans ma question? On sent que non, parce qu'il y a des liens à tirer avec des éléments que nous connaissons. Alors, disons qu'il y a que le rire et la dérision est un phénomène social. Ça signifie que on va rire différemment selon les époques, selon les sociétés, de choses aussi qui peuvent être différentes, qui sont liées à ces sociétés, et que même la manière de concevoir le rire varie en fonction des sociétés. Donc forcément, il y a quand même des spécificités du rire grec. En même temps, ce rire grec, il n'est pas totalement étranger, sinon on ne pourrait pas rire, par exemple, en lisant une pièce d'Aristophane ou en lisant les blagues que vous avez lues au départ de l'émission. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le rire grec, il est double, un petit peu marqué par une sorte de schizophrénie, parce que à la fois le mot gélos qui renvoie au rire, il traduit une idée de scintillement, de brillance, et ça c'est la joie de celui qui rit, qui transparaît. Il faut dire aussi que les dieux rient hein, dans les textes. Chez Homère, par exemple, on voit les dieux rire, notamment d'Héphaïstos, qui boite, ou alors lorsqu'il Héphaïstos prend en fâcheuse posture Arès et Aphrodite. Donc ça, c'est cette première posture par rapport au rire qui est plutôt positive. Mais le rire, il peut aussi avoir une dimension beaucoup plus sombre, ce qu'on appellera un peu le rire malveillant, c'est-à-dire un rire qui est alimenté par la jalousie, par l'envie, par la haine. Et c'est ce rire hein, qui est très présent dans les sources grecques, et c'est aussi pour cette raison que dans beaucoup de sources, le rire est perçu négativement. Oui, c'est ce rire complexe qui fait que, mais aujourd'hui encore, il est facile de se projeter et de savoir que le rire est un objet complexe. Vous nous avez dit, Jean-Noël Allard, que les dieux rient dans l'épopée homérique, ils rient chez Homère, ils rient également dans l'épopée de Jules, 50 nuances de grec. On passe nos journées à papoter entre dieux sur l'Olympe, vautrés dans des nuages kitsch en attendant le déluge, tandis que les mortels sont en train d'inventer des trucs démentiels sans qu'on s'y intéresse une seconde. Genre quoi? La salade tomate feta? Genre des créations culturelles bouleversantes. De la poésie, du théâtre. Les Grecs sont en pleine période classique. Ils créent des œuvres qui vont influencer l'humanité pendant des siècles et des siècles. Bah écoute Athéna, je veux bien qu'en tant que déesse de la culture et du savoir, tu aies envie de garder un œil sur ce qui se fait côté théâtre dans l'antiquité gréco-latine. Mais franchement, moi je vois pas pourquoi je devrais m'emmerder à regarder des mecs en couturne déclamer des hexamètres dactyliques. Ouais, on est sur l'Olympe, on n'est pas sur Arte, hein. Mais enfin, la comédie, la tragédie, ça parle de nous tout ça. En moins intéressant quand même. La vengeance, le sexe, les chasses et croisées amoureux. Vous allez pas me dire que ça ne vous dit rien quand même. J'ai plutôt l'impression que pour voir un portrait un peu représentatif de notre vie, on aurait plus vite fait de se mater un porno encrypté sur Bacchanal+. Moi je trouve qu'Athéna a raison. Pourquoi on n'irait pas tous voir au moins une pièce classique pour se faire une idée? Ah ben enfin, merci Hera. 50 nuances de grec de Jules. C'est du rire d'aujourd'hui sur la Grèce antique. Jean-Noël Allard, la cité du rire. Rit-on partout dans la cité grecque? Quel rire avez-vous recherché? Alors, précisément, j'ai cherché la dérision, comme je l'ai expliqué au tout départ. C'est-à-dire que j'ai défini de manière assez large comme tout message qui est destiné à provoquer le rire en prenant pour cible quelque chose ou quelqu'un. Et donc en essayant d'ôter à ce terme tout un ensemble de connotations négatives liées aussi à l'histoire religieuse, hein, puisqu'au Moyen-Âge, le mot dériso, il appartient à certains péchés de la langue, donc de manière neutre, et donc de centrer mon sujet sur cet aspect-là, c'est-à-dire finalement la moquerie qui est extrêmement présente dans la comédie, notamment, ou chez les orateurs. Donc c'est sur ces sources principalement que je me suis appuyé, mais cette moquerie, alors évidemment il est difficile de savoir dans la vie commune, hein, on n'a pas de source pour pouvoir dire ce qu'il en était de ce rire dans la société, mais on sait que le rire était extrêmement présent à partir de ces sources, et également dans certains ostracas, on a des moqueries, on a des graffitis qui présentent, ou on suppose qu'il y a des graffitis qui présentent de la moquerie. Donc le corpus des textes grecs est marqué par une présence assez importante du rire et surtout de la dérision. Oui, parce qu'il y a les pièces de théâtre comme source presque évidente, le texte, ceux des orateurs. Vous avez évoqué, Jean-Noël Allard, les ostracas. Faut rappeler ce que c'est, parce que c'est pertinent de retrouver de l'humour sur ces petits tessons de poterie. Alors, les ostracas, effectivement, ce sont des petits tessons de poterie qui ont pu être utilisés dans le cadre d'une procédure particulière à Athènes qui est l'ostracisme. L'ostracisme était une procédure par laquelle les citoyens décidaient par un vote d'exclure un citoyen de la cité pour 10 années, notamment un citoyen qu'il considérait comme menaçant pour l'ordre social ou se comportant de manière inacceptable pour la majorité des citoyens. Donc c'est un vote qui se faisait sur l'agora et qui consistait à inscrire le nom de la personne qu'on souhaitait exclure de la cité sur un tesson de poterie. Alors normalement, enfin la plupart du temps, il y a seulement le nom et le démotique, c'est-à-dire le dème d'origine du personnage ou le nom du père qui permet d'identifier le personnage, mais parfois sur quelques tessons, on a des railleries, des insultes qui viennent d'une certaine manière expliciter la raison pour laquelle on cherche à chasser cet homme-là de la cité. Catapougon, par exemple. Catapougon, par exemple. Alors, ça veut dire personne qui pratique. Non, enculé, vous avez précisé. Mais voilà, en fait, il y a énormément de liens entre la vie personnelle de la personne que l'on veut exclure. Alors, il y a aussi le mot adultère, moikos. Je parle très mal grec. Non, mais c'est ça, moikos. Non, il y a énormément de jeux entre la vie personnelle de l'individu et sa vie publique, là, en l'occurrence sur l'ostraca. Et c'est ce jeu, en fait, qui provoque le rire, qui montre que la dérision, d'un seul coup, est une arme politique pour exclure les gens en se moquant. Alors, effectivement, il y a ce lien entre ce que nous on considérait comme étant de la vie privée et une mobilisation de ces thématiques liées à la vie privée dans une décision politique. Mais en vérité, on va dire que les catégories grecques ne vont pas classer exactement ce que nous on considère comme de la vie privée, comme étant de la vie privée. C'est-à-dire que la manière dont se comportent ces hommes politiques dans leur vie privée, ce que nous on appelle leur vie privée, importe pour la cité. Par exemple, s'ils ne savent, il y a une idée qui est très forte dans la pensée grecque, notamment à l'époque classique, c'est que si l'on ne sait pas se gouverner, alors on ne va pas pouvoir jouer un rôle de premier plan dans la cité, on ne va pas pouvoir gouverner dans la cité. Et par ailleurs, donc Katapugon renvoie à l'idée d'avoir donc c'est Thémistocle hein, qui est qualifié de Katapugon dans un ostracon célèbre. Et cette attaque renvoie en fait à différentes allusions. On a du mal à les déterminer, mais c'est sans doute lié au fait que Thémistocle aurait des relations nombreuses avec de jeunes garçons, peut-être avec de jeunes femmes aussi. Et finalement, c'est une intempérance, une incontinence sexuelle qui est mise en cause à travers cette allusion, incontinence qui peut avoir des effets politiques dans la mesure où Thémistocle serait éventuellement sous la coupe d'un homme, d'une femme, et qu'il pourrait dépenser sa fortune, hein, c'est une accusation qu'on trouve très souvent, pour on va dire pour s'occuper de ses amours plutôt que de la cité. C'est ce jeu en fait sans cesse entre, et vous avez raison de le souligner Jean-Noël Allard, la vie privée qui n'existe pas, la manière de se comporter dans la cité, l'incidence que cela peut avoir dans la cité, et toutes ces blagues, ou en tout cas la plupart des blagues, ces moqueries, cette dérision soulignent le trop, le aller trop loin pour identifier, alors je ne sais pas si le mot vice convient pour la Grèce antique parce que nous sommes sur un jugement, mais ce qui sort de ce que l'on attend d'un personnage public. Alors, effectivement, on va chercher à toucher sur, à certains domaines et ça va en quelque sorte donner une image de ce que la société accepte ou n'accepte pas. Et c'est là qu'on découvre le rôle normatif du rire, c'est-à-dire que en se moquant de certains comportements, on va induire les comportements inverses et donc pousser, notamment par des allusions sur la vie sexuelle de tel individu, à se comporter d'une autre manière. Et le rire finalement est une arme qui va induire des comportements et qui joue ce rôle-là, notamment vis-à-vis des élites dans la cité athénienne. Alors dans les ostracas, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus net quand on regarde la comédie, ou même chez les orateurs, puisque les orateurs s'attaquent entre eux, mais devant un parterre où les citoyens sont nombreux. Exemple de raillerie publique avec Démosthène. Je n'ai pas à me demander ce que je dois dire de toi et des tiens, mais je me demande ce que je rappellerai en premier lieu. Sera-ce que ton père Tromès était esclave d'Elpias qui enseignait l'écriture près du Théséion ? Il portait de grosses entraves et un carcan. Ou bien que ta mère, grâce à ses mariages en plein jour dans la boutique voisine du héros Calamitès, a élevé le beau portrait et l'excellent acteur de dernier ordre que tu es ? Marion Malenfant qui nous disait merci Marion. Cet extrait de Démosthène qui veut détruire la réputation d'un de ses rivales, d'un de ses rivaux, en évoquant ses origines, son père, sa mère, avec des phrases très dures. Hein. Acteur de dernier ordre que tu es. C'est politique ici, c'est la dérision comme une arme rhétorique. Alors effectivement, c'est politique d'abord parce que ces discours s'inscrivent dans des procédures judiciaires devant des citoyens qui peuvent, certains sont juges, puisque ce sont les citoyens qui jugent à Athènes, et certains même sont spectateurs, et que ces deux hommes-là sont des orateurs de premier plan dans la cité dans les années 340-330. Donc c'est politique à ce titre. Ensuite, les attaques également sont politiques, ou en tout cas ont une volonté politique, dans la mesure où elles cherchent à discréditer et à accabler l'adversaire. Donc ici, Démosthène s'attaque à Échine et attaque, on va dire que nous on considérerait ça comme des coups bas, en s'en prenant à ses origines, mais c'est quelque chose d'assez courant, notamment ici, donc il fait référence au père d'Échine qu'il appelle Tromès, alors que son nom était Atromès. Alors Atromès, ça veut dire intrépide, mais Tromès, ça veut dire peureux, avec l'idée que les qualités du père vont rejaillir sur le fils. Donc déjà, il y a un sous-entendu, ne serait-ce que sur ce nom. Et ensuite, il veut souligner que dans son ascendance, Échine à la fois est d'origine servile, puisque là on voit très bien que son père est assimilé à un esclave, on lui met même le carcan qui sert à entraver les esclaves, et parallèlement que sa mère, il est question de mariage en plein jour. Les mariages en plein jour, en fait, ça fait une référence très claire à la prostitution, puisque les mariages se faisaient en Grèce à la lueur de la torche, et le mot gamos peut signifier mariage ici, mais il peut aussi signifier, dans le cas de ce texte-là, relation sexuelle. Donc en fait, il y a ces deux accusations qui vont permettre de salir, ou qui visent à salir Échine. Dans votre démarche d'historien, Jean-Naël Allard, il est nécessaire de se départir de notre conception de la dérision. Dans la Cité du Rire, vous dites bien qu'aujourd'hui, la dérision est très mal considérée en politique, même si elle est utilisée. Vous citez l'exemple au moment du suicide de Pierre Bérégovoy, quand François Léotard avait parlé de fascisme de la dérision, et puis vous citez d'autres exemples. C'est quelque chose de récurrent aujourd'hui, une posture peut-être, en partie. Pour comprendre la dérision dans le monde grec antique, il faut complètement enlever de notre esprit notre jugement d'aujourd'hui. Alors, en fait, la dérision, c'est quand même complexe, même aujourd'hui, parce que ce que vous venez de dire par rapport au fascisme de la dérision, on va trouver dans un pan inverse tout un tas de personnes qui vont défendre la liberté d'expression et expliquer qu'on ne peut pas interdire quelque moquerie que ce soit. Donc la dérision est aussi peut parfois faire l'objet d'un éloge dans notre société. Dans le monde grec, c'est également quelque chose un peu comme le rire qui est partagé. Donc, il y a une connotation négative et pour les orateurs, il y a toujours un risque à se moquer parce que on va s'attaquer aux individus dans le cadre de procédures judiciaires qui n'ont pas forcément sur des thèmes qui n'ont pas forcément de lien avec l'affaire en cours, et donc on ne parle pas de l'objet du procès lui-même. Et de manière générale, dans les traités de rhétorique dont on dispose, qui sont des traités, il y en a deux grands traités de rhétorique au IVe siècle, dont celui d'Aristote qui est le plus connu, et ces traités n'évoque que très partiellement l'usage de la dérision. C'est-à-dire que pour eux, il y a plus de risques à utiliser la dérision qu'à ne pas le faire. Mais quand on regarde les textes, par contre, la dérision est extrêmement présente. Démosthène, dont vous avez lu un extrait assez virulent tout à l'heure, et de ceux qui ne cessent de dire que Échine est un railleur, qu'il est violent verbalement, et pourtant lui aussi va l'accabler de formules extrêmement violentes. C'est tout simplement parce que il y a une part de risque à utiliser la dérision, mais il y a aussi des avantages très importants. Et l'un des principaux avantages de cet usage, c'est de faire rire, tout simplement, les spectateurs. Alors c'est un rire qui est un peu malveillant, hein. Donc on est dans la semaine de la joie, mais il y a une dimension un peu malsaine à ce rire. C'est un rire malveillant, mais qui plaît. C'est-à-dire que on voit dans beaucoup de sources que les Athéniens aiment écouter les moqueries, les railleries, les insultes que se lancent les orateurs. Et certains vont utiliser cet instrument-là pour plaire au peuple. Et il y a une deuxième dimension, c'est que souvent, dans ces attaques, il y a des allusions, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, qui vont affecter le crédit dont dispose l'orateur adverse, et aussi provoquer contre lui de la colère, de la haine. Alors, tout à l'heure, sur les origines serviles, on peut avoir un ressentiment vis-à-vis de gens qui sont issus de catégories non citoyennes, donc inférieures. Mais dans d'autres attaques, on parle des inconduites d'hommes qui ont été lâches à la guerre, etc. Et on va provoquer un sentiment de haine qui doit avoir un effet, ou qui peut avoir un effet sur le jugement final des citoyens quand il faudra déterminer lequel des deux plaideurs a raison ou a tort. Et puis, il y a un élément à mettre en compte en place dans cette analyse, dans la cité grecque d'Athènes, dans la cité où la démocratie naît, il y a cette liberté de parole, le droit de tout dire, qui est nécessaire pour saisir la place que peut avoir la dérision. Alors effectivement, il y a un concept, on va dire, cardinal dans la cité athénienne, c'est celui de parésia, qui a trait un peu au franc-parler et à la liberté d'expression, et qu'on peut définir comme la capacité, la possibilité dont dispose chaque citoyen d'exprimer sans limite son opinion. Et c'est quelque chose qui est très important et qui explique que dans la cité grecque, l'encadrement de la raillerie, de la dérision, même de l'insulte, est assez faible. Et que, d'une certaine manière, on est autorisé à tout dire. J'ai évoqué le fait que vous citiez, dans La Cité du Rire, Zinedine Zidane. Vous citez ce moment terrible de la Coupe du Monde de football en 2006, quand, il faut rappeler un peu ce qui s'est passé, mais Zidane se fait tirer le maillot par Materazzi et lui dit si tu veux mon maillot, je te donnerai à la fin du match. Et Materazzi répond, je préfère ta putain de sœur, ce qui provoque la colère de Zidane, qui donne un coup de boule, qui est exclu, et c'est un drame national. Pourquoi avoir choisi cet exemple ? Alors j'ai choisi cet exemple tout simplement pour montrer que la dérision peut déchirer le lien social, elle peut engendrer des conflits très forts, et que à ce titre, on pourrait imaginer qu'elle soit encadrée. Alors dans la cité grecque et dans les textes grecs, on voit aussi plusieurs auteurs, on voit ça chez Aristote notamment, mais Platon le dit aussi incidemment, que se moquer, même si on le fait au départ dans un esprit, on va dire, convivial, ça peut conduire à des tensions, à des violences, à des conflits très forts. Et on a différents exemples dans les textes. Alors il y a notamment une affaire pas très connue, mais dans lequel deux hommes en viennent à s'insulter dans un gymnase. Ils se séparent sur ce. Un des deux hommes fait mine d'accepter une conciliation et invite l'autre chez lui à venir. Et finalement, l'attache à un pilier et le fait fouetter. Et donc on voit que la dérision peut avoir des effets de dislocation sociale. Et c'est cette tension qui existe dans la cité athénienne et qui pose un peu problème dans la gestion de cette dérision. C'est-à-dire à la fois la nécessité de permettre à chacun de tout dire et d'exprimer comme il l'entend ce qu'il souhaite. Donc ça c'est la parésia. Et dans le même temps d'éviter que la dérision n'aboutisse à des conflits qui dégénéreraient. Voilà, pour éviter les conflits qui dégénèrent face aux attaques, à la dérision et aux moqueries, ben mieux vaut en rire. Monsieur Duval est un joyeux garçon, Monsieur Duval est optimiste à fond, quand quelque chose ne tourne pas rond, Monsieur Duval dit bon. Ainsi l'autre jour, en rentrant chez lui, il a trouvé son plus fidèle ami, installé à sa place dans son lit et dans sa chemise de nuit. Au lieu de faire des bons, de pousser des cris, il a dit bon tant pis. Vaut mieux en rire, ah, ah, ah, ah. Garder le sourire, ah, ah, ah, ah. Quand il arrive des trucs comme ça, faut pas s'en faire. Vaut mieux en rire, puisqu'on s'en tire, et ben voilà, c'est pas la peine de faire un drame pour si peu que ça. On reprend son petit bonhomme de chemin, son courage à deux mains, et la chanson au refrain, allons-y, 3, 2, 1. Vaut mieux en rire, garder le sourire, avec un petit peu de bonne humeur, tout s'arrangera. Monsieur Duval est reparti sans façon, mais plaque en traversant la rue Cambon, il est passé sous un camion, alors il a dit bon. Voyant qu'il avait les deux jambes coupées, le chauffeur lui dit, oh, moi je suis désolé, ça va vous gêner beaucoup pour marcher, venez, venez, je vais vous porter. Mais non mon bon ami, répond Duval, mais ne vous donnez pas tant de mal, vaut mieux en rire, gardez le sourire. Quand il arrive des trucs comme ça, faut pas s'en faire, vaut mieux. mis en rire. Puisqu'on s'en tirait pas, voilà. C'est pas la peine de faire un drame pour si peu que ça. On reprend son petit bonhomme de chemin, ses deux jambes à la main. Et la chanson au refrain, allons-y, 3, 2, 1. Vaut mieux en rire, gardez le sourire. Avec un petit peu de bonne humeur, tout s'arrangera. Monsieur Duval, malgré son accident, vécut heureux jusqu'à 114 ans. Un jour, il a trouvé le temps long. Alors il a dit bon. Et le soir même, il est mort, tranquillement. Tous ses amis suivaient son enterrement. Quand tout à coup, on vit Monsieur Duval sortir d'un air jovial. Mais arrêtez donc de pleurer, on ne meurt qu'une fois. On va arroser ça. Vaut mieux en rire. Puisqu'on s'en tire, et ben voilà. C'est pas la peine de faire un drame pour si peu que ça. On prend son petit bonhomme de chemin, son courage à deux mains, et la chanson au refrain. Allons-y, 3, 2, 1. Vaut mieux en rire, gardez le sourire. Avec un petit peu de bonne humeur, tout s'arrangera. Mais oui, tout s'arrangera. Vaut mieux en rire. Georges Gosset en 1946 avec des paroles de Francis Blanche dans Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Félix Delacour. Aujourd'hui, nous rions, mais nous rions antique, la cité du rire. Dites-nous, Jean-Noël Allard, nous avons évoqué l'utilisation de la dérision dans l'antenne, dans l'Athènes antique. Il y a de la politique, l'ostracisme, c'est votre là. Il y a du rire partout dès qu'il s'agit de mettre deux personnes en opposition. Donc la justice et vous permet d'identifier la dérision, les discussions. Alors, en fait, le rire est partout dès qu'il y a débat. Alors, le rire, effectivement, et la dérision peut être un élément important d'un système démocratique dans la mesure où la démocratie, c'est un système qui est marqué par le dissensus, dans lequel le dissensus joue un rôle central. Et la dérision, elle a cette vertu aussi, alors, de permettre de canaliser le dissensus, de l'exprimer sans que nécessairement il dégénère. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que ça pouvait dégénérer, mais quand on regarde les textes, l'exemple que je vous ai donné, est assez rare. Il y a peu de cas de dérision qui vont aboutir à des violences. Donc la plupart du temps, la dérision va servir à exprimer le dissensus sans violence physique. Alors, parallèlement, vous avez un autre espace qui est le lieu de la dérision, c'est le théâtre. Et dans ce théâtre, hein, c'est pas forcément. Alors effectivement, la dérision peut intervenir entre deux personnages de la fiction, mais il peut également intervenir entre un personnage de la fiction qui va prendre pour cible un personnage extérieur à la fiction, notamment un homme politique. Et dans ce cadre-là, le théâtre va jouer un rôle aussi de critique qui est important dans le cadre démocratique qui est celui de l'Athènes au 5e, 4e siècle. Ah bah tiens, justement, regardez, voilà que passent des oiseaux, ce sont ceux d'Aristophane. Où sommes-nous ? Est-ce que je sais, moi ? Je te jure que si je tenais ce vieux salaud de Philocrate qui nous a vendu ces deux volailles à la fois, je vous l'ai garanti qu'il disait. Il n'y a pas meilleur comme guide pour vous mener à travers moi jusqu'à la demeure de Théré. Théré ? Si je connais Théré, c'est bien l'homme qui a été changé en huppe. Parfaitement, je vous l'ai garanti. Prenez-les et laissez-vous conduire les yeux fermés. Total, nous voilà perdus en pleine brousse. Pas plus de route que de... Oh, c'est tout de même malheureux, il va falloir crever ici ou rentrer en ville. Ah, plutôt crever. 5 ans de guerre passent encore. Mais 6 ans de paix, non. Ils nous ont eu, ça suffit. Tu te rappelles le discours du vieux pendant la guerre? Ils ont des droits sur nous, à la tienne, des impôts. Plus de logements, l'invasion des pecnots, la vie chère, l'insolence des mercantiers, de leurs dames, des combines partout, le triomphe de l'infamie, la dérision de l'honnêteté. Tu veux te faire rendre justice? Les juges sont hors de prix. Puisque les dieux s'en foutent, moi aussi. Et ben voilà, c'est dit. Un extrait des oiseaux d'Aristophane pour une adaptation radiophonique de Bernard Zimmer. C'était en 1953. Jean-Noël Allard. Oui, le théâtre essentiel, mais dès qu'il est question de la dérision au théâtre, en fait, nous parlons aussi de la dérision politique. Tout cela est mêlé. Alors effectivement, la dérision au théâtre est une dérision politique. Alors déjà, il faut bien noter que le théâtre antique est très différent du théâtre tel que nous on l'entend sur pas mal de points. Et l'un des aspects importants, c'est que le théâtre est une institution civique, c'est-à-dire que c'est la cité qui organise et qui finance la plus grande partie des représentations théâtrales. Ensuite, il y a les hommes riches qui sont également appelés à financer l'entraînement des chœurs. Donc c'est un événement civique et le spectacle théâtral, même s'il peut accueillir une diversité de populations, est un spectacle qui s'adresse en premier lieu aux citoyens. Et en ce sens, c'est un élément qui n'est pas seulement un élément de divertissement, parce qu'il y a évidemment cette vocation à divertir par le théâtre, mais il y a également un élément qui pousse à la réflexion philosophique, à la réflexion politique et à la remise en question aussi de certains éléments de la vie politique on va dire quotidienne. Et d'ailleurs, dans l'extrait que vous avez passé, que je ne connaissais pas, il y a effectivement, on voit une critique de la cité athénienne qui est présentée devant les spectateurs athéniens. Donc il y a une sorte de réflexivité à laquelle les citoyens sont invités en pensant leur tare à travers la représentation théâtral. Et le rire, dès lors, est très efficace, parce que le rire, en plus, est communicatif, nous le savons, et d'une utilisation simple, au sens où il se propage, il se raconte. Il y a de ça aussi avec la dérision. Il y a celle du théâtre, que l'on trouve aussi chez les orateurs. Les sources nous donnent les textes des grands orateurs, mais nous pouvons imaginer que ces textes sont lus et ces textes, ces anecdotes, ces histoires, ces bons mots se propagent dans l'espace peut-être et dans le temps aussi. D'ailleurs, nous en parlons encore aujourd'hui. Oui, alors il y a quelque chose qui existe d'une certaine manière dans la cité athénienne démocratique, qui est une sorte d'espace public. Alors, on connaît tous le terme hein, qui a été, on va dire, popularisé par Jürgen Habermas. Et en quelque sorte, dans une cité où il n'y a pas énormément de, il n'y a pas de médias en fait, donc les rumeurs circulent, les réputations des uns et des autres se font par le partage de la parole, mais aussi par le théâtre. Le théâtre est à la fois un écho des rumeurs qui existent, c'est-à-dire qu'on va apprendre dans la cité quelque chose de tel ou tel individu, qu'on va ensuite propager à travers le théâtre. Et de la même manière, le théâtre, une fois qu'il va publiciser, ce vice, cette inconduite de tel ou tel individu, ça va ensuite regagner toute la sphère sociale et ça va permettre aussi aux individus de penser décision politique à travers ce spectre du théâtre. La présence de la dérision est une évidence, enfin, nous le sentons bien, dans les sources, il y a de la dérision sans cesse. La réception de cette dérision est beaucoup plus complexe. Allez, lisons Platon. Mais quoi ? L'humeur des comiques, toujours prête à lancer le ridicule sur les gens, la tolérerons-nous si c'est sans colère qu'elle poursuit ce but, de tourner en ridicule nos citoyens? Ou ferons-nous une distinction suivant que l'on plaisante ou non? Qu'il ne soit permis à nul auteur de comédie, de poésie iambique ou lyrique, que ce soit en parole ou en acte, avec colère ou sans colère, de tourner en ridicule en aucune façon un citoyen. Quant à ceux à qui nous avons accordé la permission de faire des poèmes, qu'il soit permis de le faire les uns aux dépens des autres sans colère et pour plaisanter. L'appréciation de cette matière sera laissée aux responsables de l'ensemble de l'éducation des jeunes gens. Ce que le magistrat approuvera, le poète aura le droit de le produire en public. Tandis que ce qu'il aura refusé, le poète ne pourra ni le montrer lui-même, ni être vu l'apprenant à un esclave ou bien à un homme de condition libre sans passer pour quelqu'un de mauvais qui n'obéit pas aux lois. Un extrait des lois de Platon lu par Marion Malenfant. Merci encore Marion. Avec un texte de ce type-là, Jean-Noël Allard, nous disons immédiatement, bon, Platon déjà, ben rigolo, mais si en fait, parce qu'il y a une lecture politique de l'utilisation de la dérision. Comment était perçue cette dérision? Alors, effectivement, comme je l'ai un peu évoqué au tout début de l'émission, il y a cette dualité de la dérision, et pour certains auteurs, notamment Platon, il y a une vision extrêmement négative de la dérision. Certains ont parlé d'une anthropologie austère pour parler de la manière dont Platon envisageait le rire et la dérision. Donc, chez Platon, hein, il y a différents éléments qui montrent que, à la fois, le rire est une déformation physique qui a sans doute un effet physiologique, psychologique, et à ce titre doit être proscrit. Et parallèlement, dans le Philebe, qui est un autre dialogue tardif de Platon, on a toute une discussion qui montre que derrière le rire, qui est une joie, il y a l'envie et l'ignorance, c'est-à-dire qu'on se croit supérieur à celui dont on se moque. Mais dans le même temps, et on le voit avec cet extrait-là, Platon va accepter, alors dans La République, qui est un texte plus précoce, Platon proscrivait complètement le rire et la dérision dans la cité. Ici, dans les lois où il imagine une nouvelle cité idéale, il va accepter dans un cadre extrêmement strict l'usage de la dérision dans la mesure où cela va servir, et uniquement servir à ça, à mettre en scène les comportements déviants, les comportements contraires à la loi. Donc en quelque sorte, ça va dédoubler la loi qui condamne certaines attitudes, certains comportements, en soulignant l'indécence et le ridicule qu'il y aurait à adopter les comportements qui seraient mis en scène sur cette scène du théâtre platonicien. Et donc c'est sur ce plan-là que Platon va utiliser la dérision, et on voit bien que c'est un moyen d'éducation, puisque la manière dont la pièce pourra se dérouler, ce qu'on pourra dire ou ne pas dire, est décidé par un magistrat qui est extrêmement important dans les lois, qui est celui qui s'occupe de l'éducation. Oui, parce que tout cela aussi est une question d'éducation, au sens où cela concerne la vie de la cité. Mais Jean-Noël Allard, vous avez noté cette évolution dans l'œuvre et la pensée même de Platon. Nous parlons de la Grèce antique très facilement comme d'un tout, pour simplifier les choses. Or, pour Athènes, c'est une évolution. La démocratie est une construction. Et d'ailleurs, dans la vision de la dérision, il y a des évolutions. Un peu après Platon, il y a Aristote. Et là aussi, nous sommes sur une autre lecture de la dérision. Ah, effectivement, donc là on est vraiment, quand on étudie la dérision, il est important de distinguer théorie et pratique. Donc les pratiques du rire, on les a un peu évoquées. Sur les théories, les conceptions du rire, elles sont évoquées incidemment par différents auteurs, notamment Platon qu'on vient de voir, et Aristote qui a été un élève hein, de Platon. Aristote, il a une vision plus nuancée de la dérision et du rire, c'est-à-dire que à la fois effectivement il considère que le rire et la dérision peut engendrer des conflits, mais dans le même temps, il pense que la dérision a aussi cette vertu d'unité, de construire, de réunir les individus, et que dans une société, le rire est important pour construire le lien social. Et c'est à ce titre que Aristote va développer toute une on va dire tout un discours autour d'un usage du rire qui serait modéré. Aristote, c'est vraiment le juste milieu, donc il faut pas en faire trop, il faut pas en faire trop peu. Et ce rire du juste milieu va permettre à la fois au rieur de rire, mais celui qui est visé va pouvoir également rire de la plaisanterie qu'on va lui faire. Alors c'est aussi ce qui apparaissait dans le texte de Platon qui a été lu, c'est-à-dire qu'il y a cette distinction très difficile à établir entre le rire sans colère et le rire avec colère. On va dire le rire méchant et le rire qui n'est pas méchant. En vérité, la distinction entre les deux, et les philosophes l'ont bien compris, hein, Aristote et Platon, elle est très difficile à établir parce qu'il y a toujours une part de subjectivité. C'est-à-dire que on pourra toujours faire une blague qu'on va considérer comme très sympathique à l'endroit de quelqu'un, celui-ci pourra très mal le prendre. C'est pour ça que Platon préfère interdire toute dérision plutôt que de chercher à trouver une dérision du juste milieu. Et puis Aristote a lu Platon. Platon n'a pas pu lire à Aristote, mais en tout cas, tous les deux avaient pu lire, écouter Aristophane. Suivez-moi bien, mais à la guerre, on est nourri, logé, chauffé, on est nourri, logé, chauffé. Cherchez, vous ne trouverez guère de métier plus avantagé, de métier plus avantagé. Il a ses risques, on en crève, mais pour les Grecs bien balancés, je ne connais pas d'autres rêves. En avant, au bac à danser. France Culture. L'homme est fait pour faire la guerre, et ceux qui ne sont pas contents ont juste le droit de se taire. À droite, alignement. Le cours de l'histoire. L'homme est fait pour faire la guerre, et ceux qui ne sont pas contents ont juste le droit de se taire. À droite, alignement. Xavier Mauduit. Autant. Bravo. Ben non, ni Platon ni Aristote n'auraient pu entendre la chanson du général qui a été composée pour la comédie Les Oiseaux d'Aristophane par une mise en scène de Charles Dullin en 1928. Et là, c'est une interprétation de 1962 par Marc et André. C'est Aristophane qui se moque là des généraux repris après la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a cette question, toujours Jean-Noël Allard, sur de qui se moque-t-on ? Se moque-t-on toujours des puissants dans la cité grecque antique ? Alors, dans la comédie, on va dire qu'on se moque à la fois des puissants, mais à la fois aussi du peuple. C'est-à-dire qu'il y a ces deux versants qui sont importants. Alors évidemment, les puissants, les orateurs, sont les cibles principales de la dérision comique. Par exemple, Aristophane va se moquer de nombreux personnages. Et il y en a un en particulier qui va être sa cible dans les années 420, c'est Cléon, qui est l'orateur, on va dire, le plus influent de la période. Pour des auteurs un peu antérieurs, puisque c'est Périclès qui est visé. Périclès meurt en 429, c'est-à-dire avant la période d'activité d'Aristophane. Donc, généralement, on va viser les hommes qui sont vus, qui sont connus, et ça va être une manière à la fois, on l'a dit, de cadrer leur comportement, mais aussi d'affirmer la supériorité du peuple sur le plan symbolique. C'est une manière de construire la souveraineté démocratique à travers le rire. C'est-à-dire qu'il y a les institutions d'un côté, démocratiques, l'assemblée, la boulée, les tribunaux, etc., où le peuple joue un rôle important. Mais il faut bien comprendre que la souveraineté ne peut exister si le peuple et l'ensemble des citoyens n'est pas convaincu que le pouvoir revient au peuple. Et en s'attaquant à ceux qui disposent de ce que Bourdieu appellerait le capital social et économique, par la dérision, on va, d'une certaine manière, construire un imaginaire dans lequel le peuple est supérieur à ses élites. Mais mais quelle place pour les femmes, justement, dans cet imaginaire? Parce que dès que nous pensons à Aristophane, il y a l'assemblée des femmes. Et quelle place pour les femmes? Sont-elles juste l'objet de moquerie ou savons-nous si elles-mêmes font preuve de dérision? Alors, effectivement, la question des femmes dans la comédie a fait l'objet de pas mal de travaux. Les femmes jouent un rôle, enfin, sont présentes dans les comédies. Il y a même des comédies comme Lysistrata ou l'Assemblée des femmes dans lesquelles les femmes sont les protagonistes les plus importantes de la pièce et dans lesquelles elles vont, d'une certaine manière, s'accaparer le pouvoir dans la cité au détriment des hommes. Alors, on peut évidemment lire ça comme une manière de donner le pouvoir aux femmes, d'exprimer d'une certaine manière le rôle que les femmes peuvent jouer dans la cité. En vérité, il est plus probable que cette manière d'inscrire les femmes vise surtout à montrer aux citoyens, et c'est là qu'on prend en dérision le citoyen, homme, qui dispose seul du pouvoir politique, de leur montrer que ils prennent des décisions tellement mauvaises que même les femmes feraient mieux qu'eux si elles étaient au pouvoir. Et très souvent, si on prend les pièces d'Aristophane dans lesquelles les femmes jouent un rôle central, on a une dérision très forte hein, des comportements féminins, avec des clichés qui sont évoqués, comme le fait que les femmes seraient portées sur la boisson ou qu'elles ne seraient pas capables de se contenir sexuellement. Donc ça, c'est des choses qui apparaissent très clairement dans la comédie. Oui, parce qu'il y a comme des invariants dans cette lecture qu'il y a du rire dans l'Antiquité. J'ai évoqué le Philogélos en début d'émission, c'est-à-dire ce recueil de blagues qui ont été collectées donc autour du 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, où il y a des esclaves, il y a les charlatans, il y a les avares, etc. Il y a les médecins, il y a les intellectuels. En fait, ce que vous étudiez, vous, Jean-Noël Allard, dans cette cité du rire, cette politique et dérision dans l'Athènes classique, aux belles lettres, c'est justement ce qui fait encore écho aujourd'hui dans notre monde. C'est cette politique attaquée, titillée par l'humour qui, dès lors, échappe aux institutions. Alors, effectivement, on va avoir la politique qui est pris pour cible, qui est l'objet de la comédie, puisque la comédie, vraiment, c'est par rapport à la tragédie qui se déroule dans un temps mythique passé, la comédie, elle prend pour point de départ la vie politique de la cité. Donc les personnages qui sont évoqués sont souvent des personnages connus qui vivent au moment où l'on assiste à la pièce. Et cette comédie, elle va permettre notamment de remettre en question certaines attitudes, certains comportements, et va jouer aussi un rôle didactique. C'est ce qu'on voit. Alors, j'ai pas eu le temps tout à l'heure, mais d'évoquer la dérision du peuple plus précisément, mais le peuple lui-même est pris pour cible dans la comédie, et cette manière de prendre le peuple pour cible va permettre de, en quelque sorte, lui indiquer aussi les manières de mieux endosser son rôle des citoyens. Par exemple, très souvent, Aristophane présente les citoyens comme avalant, benêt, toutes les paroles que les orateurs prononcent. Et par, encore une fois, la mise en abîme de cette situation dans le théâtre à l'endroit des citoyens, ils vont réfléchir à leur manière d'envisager les discours des orateurs et à les affronter ou à les digérer de manière un peu plus raisonnable. De l'utilité politique du rire, l'exemple de l'Athènes classique. Jean-Noël Allard, merci vivement de nous avoir fait ce petit parcours dans la cité de l'Agora jusqu'au théâtre avec ce rire, la cité du rire. C'est aux belles lettres. Merci vivement à vous. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel dans le cours de l'histoire avec le pourquoi du comment. Pourquoi peut-on dire que la génétique est devenue une science auxiliaire de l'histoire ? Jusque dans les années 80, les chercheurs en sciences sociales se méfiaient des discours affirmant que la génétique pouvait expliquer les comportements humains. Cette méfiance était légitime car, depuis la fin du 19e siècle, cette discipline avait été mobilisée par les théoriciens du racisme biologique à l'appui de leurs élucubrations sur l'inégalité des races humaines. Même si ce genre de discours n'a pas totalement disparu, les travaux des généticiens associés aux découvertes archéologiques sont surtout utilisés aujourd'hui pour expliquer les origines et les premiers développements de l'humanité. Les êtres vivants qui appartiennent au genre humain sont désignés par le terme « homo ». Les paléontologues estiment aujourd'hui que 11 espèces d'homo se sont succédées au cours de l'histoire, parmi lesquels le célèbre homme de Néandertal, qui a vécu en Europe, au Moyen-Orient et en Asie centrale. Mais ces espèces ont toutes disparu, sauf l'Homo sapiens, dont nous descendons directement. Alors que pendant longtemps, l'histoire de l'humanité a été représentée sous la forme d'un arbre généalogique linéaire, les découvertes archéologiques associées à la génétique aboutissent aujourd'hui à des modèles hybrides et buissonnants, ce qui a permis d'invalider le vieux schéma évolutionniste de l'époque coloniale sur les Africains primitifs proches des singes. Une question qui a fait l'objet de débats passionnés durant les dernières décennies est celle de l'origine des Homo sapiens modernes. Les partisans de la théorie multirégionale pensaient qu'ils étaient apparus en de multiples endroits de la planète, alors que les tenants de la théorie surnommée « Out of Africa » penchait pour une origine unique de tous les hommes modernes. Les progrès accomplis par le séquençage de l'ADN ont confirmé cette seconde théorie. L'Homo sapiens est apparu en Afrique il y a 200 000 ans environ, et ses premiers êtres humains ont émigré ensuite par vagues successives pour peupler la Terre entière après la disparition des autres espèces d'Homo. Pourtant, des découvertes récentes sont venues nuancer ces constats. En 2008, lors de fouilles menées dans une grotte au sud de la Sibérie, des chercheurs ont exhumé une phalange fossile qui n'appartenait, comme l'analyse génétique l'a montré, ni à un Homo sapiens, ni à un homme de Néandertal. On en a conclu qu'il s'agissait d'un groupe d'Homo jusqu'ici inconnu, issu d'un métissage entre les deux espèces. Sans remettre en cause l'origine africaine de toutes les populations humaines, cette découverte tend à prouver qu'il y a bien eu des contacts entre ces espèces, contrairement à ce qu'on croyait au départ. Sans doute que de nouvelles découvertes conduiront à préciser encore nos connaissances sur les origines de l'humanité, mais ces controverses entre spécialistes sont un bon exemple pour montrer comment progresse la recherche scientifique. Un fait peut être considéré comme vrai jusqu'à preuve du contraire. Voilà pourquoi toute découverte donne lieu à d'intenses discussions au terme desquelles un fait nouveau est confirmé ou invalidé. C'est éclairant. Merci beaucoup Gérard Noiriel pour ce pourquoi du comment et meilleurs vœux à vous. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne-Tosquin Dudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix et Sophie-Catherine Gallet, à retrouver, à écouter sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.